Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer et configurer Telegram pour que vous puissiez l'utiliser immédiatement et sans chercher pendant 2 heures. Le processus est le même pour un téléphone Android ou un iPhone, même si les menus se trouvent à des endroits différents. Telegram est une application de messagerie similaire à WhatsApp, mais avec plusieurs avantages, je vais vous en parler dans cette vidéo aussi. La première chose à faire est évidemment d'aller dans le Play Store ou l'Apple Store pour télécharger l'application. Quand l'application est installée, lancez-la. Normalement, au départ, l'application est en anglais. Appuyez sur « Continuer en français ». Si vous ne voyez pas apparaître les menus en français, fermez l'application et relancez-la. Quand vous voyez le menu en français, appuyez sur « Commencer ». Pour enregistrer votre numéro, autorisez Telegram à passer les appels téléphoniques. Entrez votre numéro de téléphone pour que Telegram puisse vous envoyer un texto pour confirmer votre compte. S'il vous demande d'accéder aux journaux d'appel, vous pouvez répondre non, refuser. Vous pouvez aussi accepter et dans ce cas Telegram pourra lire directement votre texto sans que vous ayez à entrer vous-même le code. Vous recevez donc un code par texto et vous l'entrez dans Telegram. Entrez votre prénom et votre nom, appuyez sur accepter et Telegram est prêt à fonctionner. Ouvrez le menu en haut, appuyez sur votre nom, puis sur « Choisir une photo de profil ». Vous devrez probablement autoriser Telegram à accéder à vos photos. Appuyez sur « Nom d'utilisateur » pour définir une adresse que vous pourrez envoyer à quelqu'un pour qu'il vous trouve sur Telegram. Telegram vous indique si le nom est disponible. Dans « Son et notifications », vous pouvez définir si vous voulez activer les notifications. Un peu comme pour WhatsApp, il existe 3 types d'échanges dans Telegram. Les échanges privés, quand vous échangez avec une seule personne. Les groupes, qui correspondent aux groupes que l'on retrouve sur WhatsApp. Un canal, c'est un peu comme une sorte de blog dynamique sur lequel l'administrateur envoie des messages. Ces messages apparaissent sur le canal, tous les abonnés du canal les voient, mais les personnes qui sont abonnées au canal ne peuvent pas répondre ou commenter. C'est donc un magnifique moyen d'information qui ne surcharge pas les abonnés avec des dizaines de commentaires pas intéressants. Cela ressemble un peu aux listes de diffusion de WhatsApp, sauf qu'avec WhatsApp, quand un message a été envoyé, on ne peut plus l'effacer ou le modifier, ce qui est possible avec Telegram. Le gros problème des listes de diffusion WhatsApp, c'est que si la personne qui envoie le message n'est pas dans vos contacts, vous n'allez pas voir ces messages. Avec Telegram, tout le monde le reçoit, et sans avoir à donner son numéro de téléphone, puisqu'on peut s'inscrire à un canal en utilisant l'adresse du canal sans avoir à donner son numéro. Gros avantage de Telegram. Notez que l'on peut associer un canal ouvert, c'est-à-dire que n'importe qui peut le rejoindre, et un groupe privé, c'est-à-dire un groupe auquel on ne peut s'inscrire qu'avec un lien d'invitation, ce qui permet d'autoriser les commentaires sur un canal, mais avec l'avantage que ceux-ci n'apparaissent pas dans le flux de discussion. Un autre avantage du canal, c'est que quand quelqu'un s'y abonne, il voit tout ce qui a été publié sur le canal depuis le début, ce qui est très pratique si vous y avez diffusé des informations techniques avant qu'une personne ne rejoigne le canal, car cette personne verra tout ce qui s'y trouve sans que l'on doive lui renvoyer les informations. Dans le menu confidentialité, vous pouvez voir les personnes que vous avez bloquées, cacher votre numéro de téléphone. Vous pouvez choisir qui peut voir si vous êtes connecté, qui peut voir votre photo de profil, etc., etc. Dans données et stockage, vous pouvez choisir si Telegram va fonctionner en Wi-Fi, en données mobiles ou à l'étranger, c'est ce qu'on appelle l'itinérance. Dans utilisation du stockage, vous pouvez choisir de supprimer automatiquement les médias de votre téléphone pour gagner de la place. Ils sont toujours disponibles en ligne, mais ils ne prennent plus de place sur votre appareil. Gros avantage aussi par rapport à WhatsApp. Dans paramètres des échanges, vous pouvez choisir la couleur ou le mode sombre. Dans le menu appareil, vous pouvez voir tous les appareils connectés à votre compte. C'est aussi un gros avantage de Telegram par rapport à WhatsApp. Vous pouvez utiliser Telegram sur plusieurs appareils et même sur votre PC ou votre Mac. Dans votre Telegram, vous verrez donc les groupes, les canaux et les personnes avec qui vous êtes en train d'échanger, comme avec WhatsApp. L'interface de l'iPhone est légèrement différente puisque vous retrouvez 3 menus en bas, les contacts, les échanges et les paramètres. Notez que sur Telegram, vous pouvez effacer un message que vous avez écrit chez vous, mais aussi chez l'autre. C'est très pratique quand on écrit n'importe quoi sur un coup de tête et qu'on le regrette après. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Partagez cette vidéo si vous avez envie de motiver quelqu'un à rejoindre Telegram et à bientôt.